que je te verrai ensemble. Allons, mon néon, c'est un autre moi-même. C'est pour cela que je l'aime. De manger dans son assiette, c'est toujours bon de partager entre amis. On passe un temps à faire la fête et il oubliera toujours comme deux frères jumeaux. Il oubliera toujours Benjamin et Roméo. Bien joué, mon petit Benjamin.